prévu, tout prévu. Ils avaient tout prévu depuis le début. Ils avaient décidé, souhaité que la nature se dégrade, car il est mal, d'après eux, qu'on puisse prendre conscience qu'un homme fait partie de la nature, qu'il n'est pas extérieur à elle. Car si tel était le cas, l'être aurait conscience de son universalité, de sa complexité, et il pleurerait de savoir qu'un enfant meurt pour produire les biens qu'il consomme, de savoir que la guerre est entretenue par les pays du G8 pour vendre les armes que ces 8 pays produisent. État dictature, voilà ce que je dis. Y'a plus de démocratie, juste une façade. Mais j'ai vu au-dessus de la palissade. Y'a plus de démocratie, juste une façade. Mais j'ai vu au-dessus de la palissade. L'homme conscient se détourne de l'ordre social créé. Il lutte pour un autre monde. Il lutte pour enrayer la misère, pour stopper la conspiration. Mais eux, ils veulent maintenir les dictatures dans les pays en voie de développement, pour garder soumises les populations, pour que les multinationales qui délocalisent là-bas puissent faire du profit encore et toujours plus. Et il faut financer des tyrans au pouvoir pour éviter que les ouvriers se révoltent, demandent un salaire décent, s'organisent en syndicat. Faut pas que le monde se tire vers le haut, qu'on puisse justifier qu'en France c'est la merde, qu'on est plus compétitif, qu'on devienne craintif, qu'on accepte que le salaire moyen depuis 20 ans n'est pas bougé, mais que les prix augmentent toujours plus, toujours plus. Il faut qu'on accepte de revoir nos droits sociaux à la baisse, qu'on se laisse baiser. Moins de sécurité sociale, moins de retraite, service public à l'abandon. L'État est en ruine, ça profite à qui? Le pouvoir de l'État se restreint à coup de privatisation, et c'est les grands magnats de la finance qui prennent le contrôle de la France. Tout est prévu, calculé pour nous, la mettre, c'était prévu d'avance. Et si c'est plus l'État qui assure ma retraite, mais une multinationale, je vivrai dans la crainte, l'incertitude, dépendant de l'économie mondiale, dépendant d'un patron que j'ai pas élu démocratiquement, au risque que la société qui gère ma retraite fasse faillite comme Enron. Aux États-Unis, y'a plus de démocratie, juste une façade. Mais j'ai vu au-dessus de la palissade. Y'a plus de démocratie, juste une façade. Mais j'ai vu au-dessus de la palissade. Y'a plus de démocratie, juste une façade. Mais j'ai vu au-dessus de la palissade. L'homme conscient connaît et voit l'envers du décor, et généralement se fait tuer s'il parle trop, car il dérange. Ils ne veulent pas que les gens réfléchissent, agissent, se réunissent et pensent par eux-mêmes. Coluche était un homme influent, mais pas du genre à lâcher ses convictions. Il dénonçait, ouvrait les yeux des gens, et il est mort jeune, bizarrement. Il est mort jeune, bizarrement. Y'a plus de démocratie, juste une façade, mais j'ai vu au-dessus de la palissade. Y'a plus de démocratie, juste une façade, mais j'ai vu au-dessus de la palissade. Y'a plus de démocratie, juste une façade, mais j'ai vu au-dessus de la palissade.